On va rester dans le mode de la cuisine. On va faire un peu comme si on était au restaurant. Vous êtes déjà installé confortablement, j'espère. Vous avez réservé votre place, vous avez été accueilli tout à l'heure. Vous avez une mise en bouche par Robert. Je suis ravi qu'il ait fait autant d'analogies avec la cuisine, la nourriture, l'organisation, etc. Ça me facilite un peu le travail pour les minutes qui vont suivre. Le titre est un petit peu énigmatique. Vous avez dû vous demander, mais de quoi il va bien pouvoir nous parler pendant 45 minutes ? Crumble de l'information. Crumble, je sais ce que c'est. L'information, ouais, j'ai une vague idée. Peut-être que je suis dans un master archi info. Peut-être que je travaille dans une agence où il y en a. Il y avait un truc pour supporter un peu ce titre, c'était la description du programme. Combien d'entre vous l'ont lu ? Super. Un petit rattrapage ici. Voilà, des analogies, la cuisine, le fait de mijoter les marmites, se nourrir, résoudre des problèmes, du design. Il y a plein de choses. Ce descriptif, on m'a dit que j'étais déjà assez énigmatique. J'en avais fait un précédent qui était encore pire. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a au moins une recette. Donc si vous devez repartir avec quelque chose de la conférence, c'est le moment de prendre une photo. Voilà, ça, a priori, c'était trop énigmatique pour les organisateurs. Je peux bien le comprendre. Et puis, j'avoue que ça m'arrange que ce soit un peu flou ou un peu sujet à interprétation. Parce qu'au moment où j'ai proposé ce descriptif, j'avais pas la recette, j'avais pas les ingrédients. Je savais pas comment j'allais vous servir tout ça, donc le fait que ce soit un peu flou, ça m'arrangeait bien. J'avais pas fait mon marché, je savais pas où allait être la table, quelle allait être l'atmosphère, s'il allait y avoir de la musique, toutes ces choses. Je vous connaissais pas, enfin la plupart je connais toujours pas, j'en connais certains. Donc vous êtes les invités dans ce restaurant. Ce que je peux vous dire, c'est que cette présentation elle est un peu faite sur mesure, fraîche, c'est pas du réchauffé, c'est pas du congelé. Je l'ai écrite spécialement pour cette journée. Forcément, je vais vous expliquer pourquoi je prends l'exemple de la cuisine pour vous parler de design. Ça a démarré en 2011. Donc ça, c'est la version anglaise. C'était une présentation de Adam Connor à la conférence Interaction 11 à Boulder aux États-Unis. Et puis Gilles, qui est dans la salle juste là, avait fait une restitution de cette conférence. J'ai fait une petite traduction, donc on a perdu la traduction instantanée. Voilà, Adam Connor, lui, il a de l'expérience dans le cinéma d'animation, et puis il voulait s'inspirer de cette expérience et de cette industrie-là pour voir comment il pouvait améliorer sa pratique du design. Puis à ce moment-là, hop, ça m'a interpellé. Comme je m'intéresse pas mal aussi à la cuisine, au restaurant, à la gastronomie, à l'innovation dans ces milieux-là, ma bibliothèque, je pense qu'il y a pratiquement autant de bouquins de cuisine que de design, ça faisait pas mal de sens. Et puis dans ma famille, c'est aussi très ancré. Mon grand-père était boulanger-pâtissier, et puis de l'autre côté de la famille, l'autre grand-père était charcutier-traiteur, donc ça fait un peu la famille sandwich, si vous voulez. Voilà, ça me paraissait logique de réfléchir là-dessus. Et puis, il fallait bien donner un cadre, donc je m'intéresse principalement à la cuisine professionnelle, donc les gens des restaurants, les gens de l'agroalimentaire, les fournisseurs, les éleveurs, les gens qui fabriquent aussi des outils pour tous ces professionnels. Et puis l'idée, c'est de regarder comment eux, ils résolvent des problèmes, et puis voir si ça peut nous inspirer, et puis voir s'il y a des choses bonnes à prendre, des bonnes pratiques, des choses qu'ils font moins bien, pourquoi ils les font moins bien. Et puis comme c'est une industrie qui est bien plus ancienne que la nôtre, elle a sûrement appris des leçons que... Ce serait intéressant de reprendre. Pour faire cette comparaison, ces rapprochements, ces métaphores, j'ai pris trois postulats. Le premier, c'est de dire que la nourriture, c'est de l'information. Vous pouvez faire des objections, quand vous voulez. Bah effectivement, on sert des interactions à des tas de gens tous les jours, plus de 30 fois par jour. On les nourrit d'informations. On participe à créer les systèmes et les services par lesquels ils mangent de l'information. On a probablement autant besoin d'apprendre, de lire, de connaître, d'échanger, d'écrire que de se nourrir. On parle souvent de nourriture de l'esprit, food for thoughts ou ce genre de formule. Ça se justifie tout à fait. Il y a des gens qui mangent par nécessité, quand ils ont la possibilité de manger à leur faim. Mais la plupart d'entre nous, on rajoute une couche de plaisir à l'acte de manger. C'est encore mieux quand c'est partagé avec d'autres personnes. L'autre postulat, c'est de dire que la cuisine, c'est du design. Je suis ravi aussi que Robert ait parlé d'intention dans l'architecture de l'information. Et puis, ça m'arrange bien pour le design, hein, parce que je pense vraiment que les designers mettent de l'intention dans leur travail. L'intention avec des objectifs, les intentions pour leurs clients, pour les clients de leurs clients. Pour améliorer leur vie, principalement, pour que leur travail soit plus facile. Et puis, parfois, vous partagez votre expérience, vos voyages, vos expérimentations. On vient de perdre l'image. Ça marche. Et puis, on verra par la suite, le focus, il est surtout sur la cuisine des restaurateurs. Et puis ce qui va autour. Et puis le troisième postulat, c'est de dire que l'observation, c'est de l'apprentissage. C'est aussi un des fondements de la recherche scientifique, d'observer et puis d'apprendre à partir de ces observations. Je le fais quand je pratique le design, quand je discute du design avec des amis, quand je lis des bouquins, et puis bien sûr quand on est à table. Entre designers, on ne fait pas que de parler de design, on parle aussi de bouffe. Donc ça fait un mélange assez intéressant. Puis ça offre des nouvelles perspectives sur ce qu'on peut faire et puis essayer d'améliorer notre pratique au quotidien. J'ai quand même une petite précaution à vous donner. Il y a des gifs animés dans cette présentation. C'est pas ça la précaution, c'est un peu expérimental, parce que c'est des observations, des réflexions que je fais un peu tout seul dans mon coin, que j'ai la chance de partager aujourd'hui avec vous. Donc comme c'est un test... Soyez indulgents et surtout, faites-moi des retours. Donc, il y aura déjà les questions-réponses à la fin. Puis, il y a des thèmes qui ne sont pas abordés, il y a des thèmes qui sont abordés. J'aimerais bien voir aussi vos retours là-dessus pour faire un peu évoluer ma réflexion. Donc, comme dans tout restaurant, vous avez un menu. Le menu, aujourd'hui, il est imposé. Il y a 8 plats. 8 thématiques. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas des énormes plats, puisque c'est plus des bouchées. Je ne voudrais pas vous donner une indigestion ou vous donner trop à manger, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui arrivent dans le reste de la journée. Et puis on va passer à travers ces 8 thématiques, et puis voir ce que j'ai pu observer, ce que je conclue ou ce que je propose avec ces 8 thématiques. La première, l'abondance, ça paraissait assez logique. On est dans un secteur d'activité où c'est la fête, c'est le festin. Il y a plein de choses sur la table, il y a plein d'offres, il y a plein de demandes. On peut dire que l'industrie du design va bien. On a plein d'intitulés de postes, on en a vendu tous les jours. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui s'intéressent à la pratique du design. Financièrement, économiquement, on parle d'acquisition, on parle d'incorporation, d'investissement, de participation dans des studios de design. Il y a même des designers, de plus en plus, qui fondent des entreprises avec une approche design tout en haut de la pyramide des décisions. Donc c'est un secteur où ça va plutôt bien, ça fait plaisir, donc on est content, positif, et puis j'essaie de nuancer un peu ça parce que j'ai la tête dans le guidon. Je lis des trucs de design quasiment toutes les semaines quand je suis pas en vacances. Ça, c'est un peu une photo critique dans le sens où qui dit abondance dit beaucoup d'offres. Parfois, il faut regarder un peu à la qualité. Dans tous ces choix, comment on se positionne, comment on travaille. Moi, je suis plutôt positif par rapport à notre secteur d'activité. j'avais envie de vous comparer ça à la révolution industrielle au début du siècle, où les comportements changeaient par rapport à la nourriture. Il y avait l'exode rural, parce que les gens arrivaient en ville pour travailler dans les usines. Il y a eu des périodes de guerre. Et puis ce contexte-là a fait que l'industrie alimentaire s'est adaptée. On a eu l'émergence des boîtes de conserve, les gens étaient de plus en plus équipés en frigo pour conserver de la nourriture. Un autre exemple, c'était les barres chocolatées, qui ont été conçues à l'origine pour les soldats, pour qu'ils puissent avoir une petite pause sans se salir les mains, cette barre étant enveloppée dans un plastique ou dans un papier. Donc déjà, l'industrie s'adapte au contexte social, économique, financier, etc. etc. Dans nos métiers, on parle de d'information, de communication, etc. etc. On se rend compte que ça va très très vite. Ça, c'était il n'y a pas très très longtemps. La vieille télé, le vieil ordinateur ou le vieux téléphone. Aujourd'hui, tout ça, c'est condensé dans un seul petit appareil qui tient dans votre poche. Et on se doute bien que la télévision va disparaître sous sa forme actuelle. En tout cas, le contexte technologique est favorable pour nous. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'Internet des objets, la robotique, tous ces implants, toutes ces choses qui arrivent. Il y a encore plus de choses à concevoir et à concevoir de bonne manière. C'est complexe et du coup, ça offre des opportunités de business, bien sûr. On commence à discuter du design, à reconnaître sa valeur. Bien sûr, l'industrie elle fait des omelettes de temps en temps, puis il y a des agences qui en pâtissent. Hein. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, dit l'expression. Du coup, on a vu déjà des agences disparaître, absorbées dans d'autres plus grands groupes. En tout cas, on reconnaît à la pratique du design une certaine valeur. Et puis, il y a des débats. Il faut que je prenne le micro. Non, c'est pour l'enregistrer. Pour les saluer. Oui. J'avais pris un exemple assez récent de l'agence IDEO à San Francisco, une agence assez culte dans le milieu, bien bonne réputation, etc. Ils ont ouvert leur capital à un groupe un peu plus grand. On sent qu'il y a une espèce d'effervescence, qu'il y a des choses qui se passent. Peut-être qu'eux avaient besoin de grandir. Et puis voilà, le contexte économique est a priori bon. Voilà, ça, pour moi, c'est un signe de maturité et puis que le métier avance tout à fait bien. J'ai pas pu résister aussi à l'envie de vous montrer ces petits fascicules du département américain. Il faut que je le lise parce que US Department of Agriculture and Health and Human Services. Leur ministère de la Santé. Vous avez trois itérations du même fascicule, 1980, 85 et 90. C'est des conseils sur l'alimentation pour le peuple américain. Si on regarde un peu dans le détail, il commence à dire « mangez pas trop de sucre, mangez pas trop de sel, si vous buvez de l'alcool, buvez avec modération ». C'est aussi pour parler d'éveil au grand public sur ces notions d'alimentation, de santé, etc. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on a complètement intégrées, j'espère. Si on veut éviter les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, le diabète, etc. etc. On n'a pas encore ça pour le design. Peut-être qu'on n'a pas assez de recul, peut-être qu'il n'y a pas eu d'études. On ne sait pas si le design est nocif à un moment donné. Si trop d'interaction tue l'interaction. Peut-être qu'on va atteindre les limites de notre pratique et puis qu'on va devoir se renouveler. Un deuxième thème, c'est les ingrédients. Comme je le disais dans le premier postulat, la nourriture, c'est de l'information. Et puis on pourrait considérer que les ingrédients, c'est du contenu. Un bon cuisinier, en général, au début de la journée, il va faire son marché. Il regarde les produits frais, il connaît ses fournisseurs, il sait l'origine, il sait les qualités nutritionnelles de ce qu'il va pouvoir cuisiner. Il va faire un assemblage. Il va aller chercher ses ingrédients, comme on peut aller chercher le contenu de nos clients. Et puis ben, on fait un peu le même travail en avant ou des fois à la fin des projets. On met les ingrédients alors qu'on a déjà pratiquement servi le plat ou allumé le feu sous la marmite. Donc il y a des choses un peu dissonantes dans notre pratique du design. Si on cherche à mettre en avant le contenu, c'est bizarre de l'avoir plus tard. Des contenus, ben, ça c'est plutôt... C'est un marché de Lyon. C'est le site Rhône Tourisme qui avait cette photo. Vous avez des marchés du contenu du coup à différentes tailles. Pour les professionnels, ça peut être ça. Les marchés, ça peut être ça aussi. Ça peut être Rungis, avec un millier de personnes qui crient tous les matins à 4h du mat. Voilà, à une autre échelle, pour bah, d'autres types de business, avec d'autres provenances, d'autres qualités, etc. etc. En tant que designer, vous avez aussi envie de savoir si votre contenu, ben, il a certaines qualités nutritionnelles, s'il n'a pas des agents de saveur, s'il a été cultivé hors sol, si on a utilisé des pesticides, hein, s'il y a des publicités dedans. On doit savoir ce qu'on met dans les assiettes des gens. Et puis on doit être éduqué à, bah, à la qualité de ce contenu. Moi, ça me surprend régulièrement que les gens qui travaillent sur les projets ne s'intéressent finalement pas ou pas assez à ce que le client fournit. C'est aussi ben, une des opportunités du designer en agence, c'est de travailler sur plein de sujets différents, d'apprendre plein de choses. Et puis si on ne s'intéresse pas à ce contenu, ben, on ne va pas forcément designer une expérience ou un service ou un système au mieux. Dans le thème des ingrédients, il y avait les pratiques alimentaires. Il y a des fois des choses que vous allez enlever de votre régime alimentaire, des fois des choses que vous allez voir rajouter de manière artificielle. Ouais, on connaît certaines pratiques, hein, le végétarisme, le véganisme. Il y a des fois des gens qui font des jeûnes, qui enlèvent certains contenus de leur alimentation. Bah, dans le design, ça peut arriver aussi. On va aussi se pencher sur l'accessibilité, hein, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas accès à certains types de contenus, qui pensent en texte ou en son uniquement, alors que bah, l'expérience qu'on a conçue, nous, elle est uniquement avec des images. Donc bah, des fois, il y a des décalages comme ça. Avec les pratiques alimentaires, il y a aussi cette notion de digestion ou d'allergie. Il y a des fois du contenu ou des aliments auxquels les gens réagissent mal. Il y a des contre-indications. Donc, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais on voit bien que dans la nourriture, il y a des allergies. Il y a des choses qui ne marchent pas avec nos estomacs, avec notre façon de manger. Dans le design, c'est certainement pareil. Il y a des pays où ils n'ont pas le même accès à l'information ou à autant d'informations. Donc bah, comment on choisit les bons ingrédients pour ces gens-là. Dans la notion d'ingrédients, j'avais aussi envie de vous parler de la répartition. Aujourd'hui, pour la fourniture d'ingrédients, il y a des chemins assez linéaires et complexes. Bon, ça, c'est un peu le cas de la France, où on voit bien que ça marche en cascade, qu'il y a plein d'intermédiaires. L'avantage avec l'information, c'est que ça circule un peu plus librement, de manière décentralisée. Il y a globalement quatre grandes familles qui détiennent de l'information, du contenu, entre les médias, les institutions, les entreprises, et bien sûr, l'information aux mains des gens. Voilà, donc tous ces ingrédients, ils se répartissent partout. Et puis, ben, charge à nous de les présenter et de les organiser. Pour l'organisation, on est plutôt balèze dans le design. J'ai pris un premier schéma qui est assez connu, qui est le schéma de Dan Safer sur les disciplines du design. Donc on voit que c'est déjà bien organisé, assez codifié. Il y a des rôles différents, et puis ben, il y a des interactions entre 2, 3, 4, 5 disciplines qui créent des métiers, qui créent des manières de travailler, qui créent aussi des responsabilités. On parle d'équipe aussi. Je vous ai choisi une jolie photo d'une équipe UX. Ça fait un peu photobanque, le montage n'est pas terrible, mais c'est pas grave. La source est à la fin de la présentation, pour ceux qui voudront aller sur le site. Le travail en équipe, la collaboration, le participatif, tout ça, ça se développe. Il y a aussi des gens qui sont des hommes orchestres, qui travaillent un peu tout seuls. C'est pas toujours évident. Il y a des solutions aussi pour ça, de venir à des petits événements, d'en discuter. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle The UX Team of One, écrit par Léa Bully, aux éditions Rosenfeld, qui explique très bien la position de personnes toutes seules dans une entreprise, qui doit faire de la conception centrée utilisateur. Et puis elle donne aussi des clés, des outils pour y arriver. Mais si on doit comparer ça à la cuisine, ça va être les chefs à domicile ou les traiteurs qui viennent directement sur place et puis qui conçoivent l'expérience dans les locaux du client. Si je me concentre sur les équipes, elles peuvent être parfois très très grosses. Ça, c'est la brigade du Waldorf Astoria à New York en 1932. Donc c'est un hôtel de luxe, donc on peut facilement comprendre que l'équipe au fourneau, elle est très importante, sûrement variée en responsabilité, avec des gens qui vont probablement éplucher des patates toute la journée. Dans les cuisines, il y a plein de rôles. Voilà les noms. Cette organisation, elle date aussi du début du siècle, premier tiers, on va dire. Elle a été mise en place par un chef français, je vois des grands pouces comme ça. C'est les grands rôles de la brigade. Donc la brigade, c'est Auguste Escoffier qui a mis ça en place. C'est inspiré de l'armée. Ce monsieur, il avait fait son service, et puis son rôle dans l'armée, c'était d'organiser les cuisines. Donc qui dit organisation militaire, dit rôle bien défini, etc. etc. Y a des choses qu'on a oubliées. Aujourd'hui, le communard, c'est du vin rouge avec du cassis. À l'époque, c'était la personne qui était en charge de faire à manger pour les cuisiniers. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on a quelqu'un qui est chargé de designer pour les designers ? Il y en a certains qui font ça. On a plein de rôles aussi, nous. On a une espèce de brigade. Donc, je ne tiens pas la liste à jour, mais je suis sûr que si je regarde demain, il y a des nouvelles professions qui sont apparues. Ce qui est sûr, c'est que la brigade partage la responsabilité du repas, comme l'équipe de design va partager la responsabilité de l'expérience ou du projet ou du service ou du produit ou de l'objet. J'ai pris l'exemple dans notre agence. Est-ce que l'équipe de design, c'est des gens qui ont un titre qui se rapporte plus ou moins au design ? Est-ce que l'équipe de design, ça intègre les développeurs, parce qu'ils prennent aussi des décisions qui vont influencer l'expérience finale, que ce soit la performance des serveurs ou la propreté du code front-end. Pour moi, c'est des designers aussi. Est-ce que l'équipe de design, c'est toute l'agence ? Parce qu'on travaille ensemble. On se voit toute la journée, on discute, on prend des décisions, on s'influence les uns les autres. Donc cette équipe de design, finalement, elle est peut-être par cercle concentrique, elle grandit. Ce qui est intéressant de travailler sur le travail d'équipe, c'est que la responsabilité du produit final, elle est partagée, et c'est beaucoup plus facile à supporter qu'un seul UX designer qui va prendre la responsabilité de tout le reste. Puis c'est aussi une manière d'impliquer chacun dans le travail qu'il fait. Alors c'est un monde un peu idéal, si on étend aussi l'équipe de design, parce qu'il y a aussi la responsabilité du client, et puis qu'on prend bien évidemment en compte, et puis on intègre autant qu'on peut les gens qui vont utiliser cette expérience et ce service. Je ne mets pas le monde entier dans les gens. Nous, principalement, c'est les personnes qui viennent faire du test utilisateur, des gens qui ont accès aux versions d'essai, ou des fois c'est la cousine du chef d'entreprise qui va essayer avant tout le monde. Ces gens qui nous font souvent des retours. Il y a définitivement quelque chose avec ce cadre. Hop. Ouais, comme je disais, c'est un monde un peu merveilleux. Tout va bien. Les écrans, ils marchent dessus. Oui, ceux-là, ils marchent. Ok. Peut-être que je devrais m'asseoir parmi vous. Pour l'équipe, voilà. Une autre petite note, ça c'est la brigade du restaurant Noma à Copenhague. Élu 3 ou 4 fois de suite meilleur restaurant du monde. Eux, ils essayent des nouvelles formules dans l'équipe de cuisine. Peut-être ce qui pourrait s'apparenter pour nous à de l'agilité, à du lean. Essayer de casser un peu ce carcan de la brigade qui date depuis, ma foi, peut-être trop longtemps. Et puis quand on pense à des équipes, on pense aussi à des outils. Moi, la première image qui m'est venue, c'est le set de couteaux du cuisinier. Je ne fais pas de pub pour Sabatier, hein. Les couteaux Pradel sont très bien aussi. Ce set de cuisine, il va suivre le cuisinier pratiquement toute sa carrière. Il a besoin d'outils de bonne facture, qu'il pourra affûter, dont il saura se servir. Alors, des fois, ces outils, il se coupe les doigts avec. On trouve des outils un peu plus originaux dans les cuisines. Un évaporateur rotatif. Génial ! Qu'est-ce que ça fait un évaporateur rotatif ? Je l'ai appris en préparant la conférence. On peut faire des extraits ou des substrats de matériaux. Donc c'est utilisé dans l'industrie chimique, normalement, enfin dans la recherche, pour distiller rapidement des solvants. Alors, comme ça, pour la bouffe, ça n'avait pas très très envie. Mais on peut faire de l'extrait de vanille avec. Pour le design, c'est un peu la même chose. On a des outils qui sont parfois très simples, comme un couteau. Et puis des fois des outils très complexes. Voilà un outil très simple. C'est mon outil préféré dans la cuisine. Si Jonathan Ive était là, il dirait « That's a very beautiful piece of design ». Il utiliserait tout un tas de superlatifs pour vous dire que ça a été très très bien crafté dans des usines, qu'on a choisi les bons matériaux. C'est une cuillère qui a été volée dans un avion suissaire à l'époque. C'est un peu moins glamour. Cette cuillère, je l'adore. Je l'utilise dès que je peux. J'ai l'impression qu'avec, tout est meilleur. Et je ne savais pas pourquoi. Et puis, je suis tombé sur un article il n'y a pas très longtemps. Il y a des chercheurs de l'université d'Oxford qui ont fait une étude pour faire tester des yaourts. Et puis, en faisant ces tests, ils se sont rendus compte qu'en fonction de du matériau de la cuillère et de la couleur, les gens avaient une perception différente du yaourt testé. Avec la cuillère bleue, apparemment, le yaourt était plus sucré. La texture était plus crémeuse. Et je me suis dit, tiens, les outils qu'on utilise, ça pourrait aussi influencer la perception que les gens ont de ce qu'on produit. Que ce soit nos clients, avec les outils qu'on va pouvoir utiliser au quotidien pour partager ce qu'on a fait, ou même les outils qu'on fournit aux clients de nos clients, ce qu'on met entre leurs mains. Est-ce qu'une application elle est plus belle sur iPhone parce que l'objet est plus beau, comparé à d'autres téléphones que je ne citerai pas. Le poids, la matière, la couleur, tout ça, ça influence la perception qu'on a du design. Il y avait un autre exemple que j'ai pris. Pour les outils, je l'ai piqué à une stratégiste de contenu, Erin Kissane. Elle a fait une conférence qui s'appelle Little Big Systems en 2012. Elle parle de ces maîtres artisans japonais qui confectionnent des petites pâtisseries, les wagashi. Ils ont des outils qui sont dédiés. Un outil est dédié à la production d'un type de wagashi. Sachant que les wagashi, ils sont faits par saison. 10 minutes ! Ah, je suis à la bourre ! Des outils simples pour une production très spécifique. Puis on voit bien qu'on a des outils plus complexes. Si on veut commencer à fabriquer en série des grosses quantités de barres chocolatées, ça nécessite d'autres outils beaucoup plus complexes. Et vous, en tant que designer, est-ce que vous préférez travailler dans un petit atelier d'artisan ou dans une usine ? Je vous laisse choisir. Je vais citer une amie qui est là dans la salle, Fleur. Ça, c'est une photo prise avant-hier soir. Croc'n'Rolls, rue Désiré à Lyon. Bonne petite adresse. Comme je disais, les designers, quand ils mangent entre eux, ils parlent du design et puis ils parlent aussi de la bouffe. Là, on parlait des outils, précisément. Donc ça m'arrange bien. Et Fleur disait, il faut savoir choisir le bon outil pour l'objectif qu'on s'est fixé. On parlait aussi du fait que les designers, ils devaient sans cesse apprendre de nouveaux outils, des fois détourner des outils. Les outils, c'est important. Ça, je zappe. On en reparlera après, si vous voulez. Ouais. Qu'est-ce qui est compris dans votre service de design? C'est le poivre, doggy bag, le pourboire, tout ça? Est-ce que c'est dans les conditions générales de vente de votre agence? Est-ce que vous avez des conditions générales de vente? Est-ce qu'il y a une norme? La santé, thème important hein, dans la nourriture, dans le design aussi. Hein. Le hot dog, c'est bon le hot dog une fois de temps en temps? Qu'est-ce qui se passe si je mange des hot dogs tous les jours? On revient à la petite fiche du gouvernement américain sur l'influence sur notre santé de ce qu'on mange. Facebook, à partir de combien d'utilisations par jour, ça commence à devenir nocif? Bah oui, on ne connaît pas forcément la provenance du contenu, des ingrédients. Il y a quelqu'un qui choisit pour vous entre-temps ce que vous allez manger dans Facebook. Voilà, ça pourrait être un autre service, hein. Mais j'ai choisi Facebook. J'avais faim juste avant la présentation, heureusement j'ai mangé un petit pain. Cet objet-là, à quoi il vous fait penser si on pense à la cuisine? Quelqu'un, s'il vous plaît. Sinon je vais être tout seul. Une carte. Une carte de quoi dans une cuisine? Ah, le menu. Ok. Un bento. Hein? Un bento. Un bento. Ah, ça pourrait être un bento. Une tartine. Non. Mais c'est intéressant. Le réfrigérateur. Le réfrigérateur. Qui a dit réfrigérateur? Bravo, 5 points. Effectivement, moi ça m'a fait penser au réfrigérateur. Ça, c'est le réfrigérateur ouvert. Il y a un truc magique avec l'iPhone, c'est qu'on pourrait remplir le frigo pendant des heures et des heures avec des centaines de produits. Si vous voulez nourrir 128 personnes pendant 8 jours, c'est possible. Sauf qu'au final, le frigo, il a une porte et puis des rayons. Puis que la plupart des gens, ils se contentent de 26 applications en moyenne. Ah, donc c'est pas parce que j'ai la possibilité d'avoir un coffre infini que je vais le remplir. Mes besoins, ils sont certainement moins complexes ou moins importants que ça. Ouais. Il y avait le concept du à volonté. Je mange tout ce que je veux. En agence, on appelle ça le forfait. Peu importe ce que vous avez vendu, si le client il n'est pas rassasié, vous allez lui fournir encore à manger. Puis des fois, le client il a déjà goûté sous le pas de la porte le plat du jour sans payer. Des fois, on tend un peu le bâton pour se faire battre. Voilà, petit aparté. Il y avait une autre notion dans la santé sur laquelle je vais prendre 2 minutes. L'origine du mot pain, ça vient de compagnons, des gens qui partagent le pain, qui partagent un moment. C'est un truc qui m'énerve tous les jours dans Facebook, encore Facebook. Je voulais partager une vidéo, je clique sur partager. Qu'est-ce que je vois dans le menu? Partager maintenant ami. Ok. Qu'est-ce que je connais de la notion de l'ami de Facebook? Publier un statut, bon, c'est presque partagé, mais c'est publié. Envoyer, ouais, peut-être. Copier le lien, c'est pas partagé. C'est pas grave, je vais dans le détail de la vidéo. Je me dis, il y a un autre menu là. Ah, c'est pas la même chose. Ah, j'ai d'autres options. Ah, ouvrir dans Safari. Ah, c'est partagé, ouais. Enregistrer le lien, ouais, c'est pas tellement partagé, enregistrer. Ouvrir dans Vimeo. Ok, peut-être que dans Vimeo, je pourrais enfin partager. 5 minutes. Merci, maître du temps. Normalement, c'est la moitié de la présentation. Est-ce que je peux vous comparer au lapin? Toujours pressé, toujours plus vite. Toujours plus d'interactions, toujours taper plus vite au clavier. Est-ce qu'on serait pas dans du fast-food de l'information? Même si c'est séduisant, hein. On choisit aussi par la couleur, hein. Par les contrastes, par la texture. On peut prendre aussi un peu plus de temps. Le pain, il a besoin de pousser quand on le fait. La pâte, elle a besoin de s'aérer, elle a besoin de gonfler. Les wagashi, on a besoin de prendre du temps pour les faire comme il faut. La crème brûlée, c'est pareil. Sur le menu, c'est marqué 15 minutes d'attente en plus. Dans les food trucks aussi, on s'est rendu compte que le fait d'attendre, c'était perçu comme positif pour l'expérience, pour ce qu'on allait manger plus tard. Aussi parce qu'on voit préparer devant nous les sandwichs. Là, j'avais prévu de faire une pause, parce qu'on doit prendre le temps. Est-ce qu'on a besoin d'un mouvement de type slow design, comme on a le mouvement slow food? J'accélère du coup. Relativité du temps. Le temps qu'on vend, le temps à disposition. Le temps de réflexion, le temps de production. Réflexion et production, ça va souvent en même temps. Le temps, c'est des expériences que j'ai eues précédemment. Ça a de la valeur aussi en termes de design. Dans les restaurants, les gens, ils acceptent aussi que le temps, il soit partagé. Vous rendez tout à fait compte que il y a 18 tables à servir, que la personne en cuisine, elle ne peut pas vous consacrer 100% de son temps. Ça, c'est difficile à expliquer à certains clients d'habitude, qui pensent qu'une fois qu'ils ont raccroché ou qu'ils ont fermé la porte de l'agence, tout le monde travaille pour eux. Pour ça, il y a les chefs à domicile, comme je disais tout à l'heure. Ça offre certaines solutions. On voit aussi des agences qui louent des équipes, qui vont chez le client. On commence à voir des qui n'ont pas de lieu fixe, qui s'adaptent aussi en fonction de la demande. Des pop-up studios qui vivent de manière un petit peu comme ça, éphémère. Présentation, c'est important. La devanture du restaurant, comment vous allez juger de l'extérieur. Des choses très complexes comme Bocuse, ou plutôt simples comme des diners sur l'autoroute. Est-ce que vous êtes servi à table? Est-ce que vous allez manger des plats préparés? Est-ce que vous allez manger dans la rue? Est-ce que vous êtes dans des situations extrêmes? Tout ça, ça se design. On avait l'exemple de gens qui travaillaient sur des interfaces dans les centrales nucléaires. Ça, c'est du design de l'extrême, avec des sacrées responsabilités. Les chefs, ils ont des labos, ils investissent, ils recherchent, ils essayent d'expérimenter, d'innover. J'ai choisi les shiitake fermentés enrobés de chocolat noir. Ça vient aussi du restaurant Noma à Copenhague, présenté sur un lichen qui est lui-même élevé, qui pousse à côté du restaurant. Septième thème sur 8. L'aura, je crois que le mot n'est pas très bien choisi, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que votre agence, ou votre statut de freelance, ou votre entreprise projette à l'extérieur? Souvent, on essaye de convaincre. Hein. Ma super agence! Avec un tas de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ma culture d'entreprise? Quels sont l'avis des autres sur mon agence? Comment je suis noté? Il n'y a pas encore un Yelp pour les agences, mais ce serait peut-être intéressant. Que les gens, les clients s'expriment sur la relation qu'ils ont eue avec l'agence. Comment vous vous impliquez dans la communauté? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Comment vous allez accueillir les apprentis? Comment vous allez transmettre votre savoir? Les vieux au restaurant. Pardon, les têtes blanches. J'aime bien, parce que souvent, c'est un indice de bonne qualité dans les restaurants. Quand je ne connais pas un endroit, je regarde s'il y a des personnes âgées dedans. Parce qu'en général, les personnes âgées, elles connaissent ce qui est bon. Et en général, on peut s'y fier. Ce qui m'amène à la question de la fidélité. Pourquoi peu d'agences parlent des vieux clients chez eux? C'est pas une mauvaise chose d'être un ancien client. Ça veut dire que vous avez établi une relation de confiance, que vous êtes plus en collaboration qu'une relation de fournisseur. J'ai mis la question de l'argent aussi, là. Je voulais pas terminer sur une histoire d'argent entre nous. Stop! Je vais terminer par l'argent. Non. Les designers, ils doivent aussi savoir faire du business. Je vous renverrai un article de... Oui, on est en euros, pardon. Un article de Joshua Taylor qui dit qu'au lieu d'apprendre à coder, les designers devraient plutôt apprendre à faire des affaires. Si on doit résoudre les affaires des autres, faut autant comprendre comment ça marche. Ou comment ça marche pas. Le dernier thème, c'est les systèmes de l'organisation, hein, de l'architecture de l'information, On arrive à quelque chose d'un peu comme tout à l'heure. Je fais les outils pour faire mon travail. Les systèmes, c'est de l'industrie, c'est de l'industrialisation, c'est de la communauté, c'est des systèmes de gens, c'est des systèmes d'entreprise. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais une perception assez simple des systèmes de boutiques de design, de tailles différentes, mais toutes plus ou moins les mêmes. Le paysage, il est en fait vachement plus varié. Il y a des choses mobiles, ça bouge. L'avantage, c'est que ces systèmes, on est en train de les construire. Comme je disais, le moment est plutôt favorable, et puis on doit participer à la construction de ces systèmes-là. Les systèmes aussi sont aussi un peu plus macro. On a plein de disciplines. Peut-être qu'on a besoin d'être un peu plus rationnel par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a déjà trop. Peut-être qu'il n'y en a pas encore assez. Ça se travaille aussi dans les écoles. Voilà. Éveiller les gens sur ce qui existe en entreprise et inversement, éveiller les entreprises sur ce qui se passe dans les écoles. Dernier concept pour cette notion de système, c'est la cuisine ouverte. Ça fait pas très longtemps en fait que ça marche bien dans les restaurants. Ça marche bien dans les restaurants, du coup on a retrouvé ça dans les maisons. Je pense que ça n'a pas été facile au début d'expliquer aux cuisiniers que maintenant les clients ils vont devoir travailler. Ils vont t'observer, tu vas pas pouvoir faire le con dans la cuisine. Tu vas peut-être même devoir parler avec les clients. C'est pareil avec les designers ou les développeurs aujourd'hui. On leur dit de plus en plus, va voir le client, ou parle aux utilisateurs, hein. Ça va te donner un bon nombre d'informations, puis tu feras mieux ton travail derrière. Donc est-ce que nous aussi, on fait du design ouvert ? Est-ce qu'on parle d'open design ou d'open source design ? Est-ce qu'on va aller vers ça ? Dernière chose avant la conclusion. On a plein de fichiers sur nos ordi, on a passé du temps à les produire, ils vont à la poubelle, c'est presque des déchets. Et pourtant, avec ces déchets, on peut faire des tas de trucs. On peut les partager, on peut les composter, on peut les recycler. Il y a des banques alimentaires du design, peut-être qu'on en a besoin. Dans la cuisine, il y a des associations qui récupèrent le pain, par exemple. Est-ce que vous êtes prêt à sortir des fichiers de votre ordinateur et puis les donner à des écoles dans le besoin, à des étudiants, à d'autres agences, la concurrence qui va se nourrir de votre travail, dangereux. Il y a aussi la notion de durabilité, de ne pas produire pour produire, mais à un moment donné de créer de la richesse avec ces choses qui restent. J'avais mis une photo juste parce qu'elle est jolie. Puis je fais une autre conférence sur les petits pois. Mais... La conclusion, je voulais l'improviser, je voulais vous faire le coup du chou romanesco. Cette image est censée vous apaiser. Vous êtes sous mon contrôle, je peux vous raconter n'importe quoi. Pas vraiment. Donc voilà, j'ai développé 8 thèmes, il y en avait plein d'autres que j'aurais pu prendre. Je voulais terminer avec 2 citations, la première de Mike Montero. J'ai pas retrouvé la source, je pense que c'est un bouquin ou une conférence. Il dit que si vous voulez rendre les gens heureux, faites des sandwichs. Les gens adorent les sandwichs. Moi, j'ai choisi de faire du design et je pense que je peux rendre les gens heureux en faisant du design. C'est pour contredire Mike une fois de temps en temps. La deuxième citation, elle est d'Auguste Escoffier. La bonne cuisine est la base du véritable bonheur. C'est une phrase un peu modulaire. Ça marche avec la cuisine est la base du bonheur. Tout dépend du niveau de qualité que vous allez réussir à atteindre. Ça pourrait marcher avec le design. Le design est la base du bonheur. Le bon design est la base du véritable bonheur. Allons-y. Les crédits, parce qu'il faut bien créditer les gens. Il y aura un peu de lecture dans les slides qui seront mis à disposition ce week-end ou la semaine prochaine. Je dois obligatoirement remercier au moins tous ces gens-là. Il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Merci beaucoup. Cette présentation a failli s'appeler « Architecture du sushi ». Je dois le mettre là. Ça, c'est ma communauté professionnelle. Il y a des gens qui sont là, avec qui je fais les rencontres avec Didier Lyon. Ça, c'est l'agence où je travaille, et vous pouvez me joindre ici. Merci.